toi. Viens ma chérie, moi, ma chérie, réponds-toi à mon bras. Ma chérie, je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, mais si tu viens, viens avec moi, ma chérie. Je sais qu'il y aura quelqu'un qui marchera près de moi, qui mettra fin à mon désarroi.